contempler, rien qu'en levant les yeux, je peux te voir briller. Quoi qu'il m'arrive, je sais que tu es là, que tu seras toujours au-dessus de moi. On ne sait jamais adresser la parole, et même s'il arrive que parfois j'en rigole, j'ai mal au fond de moi, il me manque quelque chose qui me permettrait de voir la vie en rose. Chaque jour qui passe me voit grandir. Si rien ne se passe, je n'ai pas d'avenir. Ta présence me manque et j'ai besoin de toi. Je ne suis qu'un enfant, mais personne ne veut de moi. Je me sens seul, je suis abandonné. Tellement seul, je suis presque oublié. Je n'ai personne à qui me confier. Le ciel lui seul me permet de rêver. Je vis comme je peux avec ce que je trouve. Pourtant moi je recherche juste un peu d'amour. Je dors là où je suis, mais toujours à l'ombre, à l'abri de la pluie. Sauf quand il fait sombre, je reste sous les étoiles, je contemple le ciel, j'essaie de lever le voile sur ce qui m'a construit. Je ne vais plus à l'école, oh, je me suis enfui. Et seul dans les rues, je cherche qui je suis. Je ne te connais pas, non, personne ne m'a rien dit. Tu sais combien j'étais jeune lorsque tu es parti. Je n'ai jamais vu mon père et depuis ma naissance, il n'a jamais rien su. Assure mon existence. Je me sens seul, je suis abandonné. Tellement seul, je suis presque oublié. Je n'ai personne à qui me confier. Le ciel lui seul me permet de rêver. Je vois les autres enfants dans leur famille, ils ont leurs deux parents. Moi je n'ai même pas d'amis. Je cherche dans le ciel où vont mes sentiments. Et je voudrais te dire, oh comme tu me manques.